sans famille. Romain Calbrice ayant réussi, l'éditeur Hetzel, le père, me demanda un roman du même genre et au mois de janvier 1869, il fut convenu, sur un plan assez vague, que je publierais ce roman dans son magasin d'éducation. L'éducation en un volume illustré lui appartiendrait en toute propriété, moyennant une somme fixe. Celle des deux volumes in 18 me serait payée d'après les tirages et l'exploitation n'en durerait que pendant 6 ans. On verra tout à l'heure pourquoi j'entre dans ces détails. Hetzel n'était pas seulement éditeur, il était aussi, il était surtout, un lettré qui laissait de très jolis romans. Il tenait donc à connaître ce qu'il publiait, mais il y tenait encore plus quand ce devait être dans son magasin d'éducation fondé par lui et Jean Massé pour une clientèle spéciale qui, je crois bien, n'aurait pas accepté Paul et Virginie sans de violentes protestations. Cela n'était guère rassurant. Cependant, je ne m'en inquiétais pas, comptant que mon sujet me permettrait de naviguer au milieu de dangers que je ne soupçonnais même pas, sans aller m'échouer sur quelque écueil inconnu. Ce fut donc avec une parfaite tranquillité que mon premier volume fini au mois d'avril 1870, je me préparais à en faire la lecture à Hetzel. Je dois dire tout de suite que, pour des raisons qui seront bientôt données, le sans-famille de ce premier jet n'était pas ce qu'il est devenu 7 ou 8 ans plus tard, et que notamment, pour les divisions en volume, celle de maintenant ne se rapporte pas à celle d'alors. Jusqu'aux scènes des enfants fouettés chez le padronnet de la rue de Lourcine, ma lecture n'accrocha pas. Mais arrivé là, Hetzel, qui s'était déjà fâché de ce que le père nourricier fût si brutal, me déclara qu'il fallait adoucir ce tableau trop sombre et trop cruel. Des larmes dans les paupières, oui, très bien, mais qu'elles coulent au milieu d'une crise de souffrance, c'est plus qu'il n'en faut, de la pitié, pas d'horreur. Évidemment, c'était un point de vue qui partait soit d'idées arrêtées, soit d'observations prises dans l'expérience, mais ce n'était pas du tout le mien. J'essayais de discuter inutilement. Le confrère se serait peut-être laissé convaincre, l'éditeur se renferma dans son autorité. Je continuais, et jusqu'à la mine, elle se trouvait alors dans le premier volume, cela n'alla pas mal, mais à ce moment les objections reparurent et se précisèrent, d'abord pour la question sociale qui devait être passée sous silence, et puis ensuite pour la question religieuse qui devait être évitée beaucoup plus rigoureusement encore. Pour la question religieuse, la situation était celle-ci. Des mineurs étaient enfermés dans une remontée par une inondation, une querelle s'engageait entre eux, et comme en leur qualité de cévenols, il y avait parmi eux des catholiques et des calvinistes, les uns invoquaient la Sainte Vierge que les autres repoussaient. À mes yeux, c'était couleur locale, rien de plus, tandis qu'aux yeux de Hetzel, c'était plus qu'une inconvenance. Il y eut bataille entre nous, car j'ai toujours été entier dans mes opinions, dont l'âge, à cette époque, n'avait pas encore abattu l'intransigeance. Et comme si nous avions été catholiques et calvinistes, il y eut échange de bons coups, sans nous fâcher, bien entendu. Qu'aurait dit Hetzel si 15 ans plus tard, j'avais pu lui mettre sous les yeux le numéro d'un journal, ayant mieux que lui et moi la capacité de se prononcer en matière religieuse, le Christianisme du 3 août 1894. Ce journal ayant ouvert une sorte de plébiscite pour savoir quels étaient les romans qui s'imposaient par leurs vertus éducatives autant que par leur forme attrayante, ce fut Sans Famille qui obtint le numéro sur 30 romans qui tenait la tête. Ne se fût-il pas reconnu vaincu? Décidément, il était plus difficile que je n'avais cru de ne pas blesser les susceptibilités de ce public. Et si je devais écrire la fin de mon roman avec la menace d'observation de ce genre suspendue sur ma tête, je resterais à chaque instant paralysé, me demandant ce que je pouvais me permettre, aussi bien que ce que je devais me défendre. Le sujet rien, l'exécution tout. Cela n'était pas pour m'encourager, et comme d'autre part je devais à ce moment donner un miracle à la Revue des Deux Mondes, où j'aurais, m'avait-on promis, toute liberté, je lâchais Sans Famille pour un miracle, pas pour toujours, bien entendu, mais au moins pour un certain temps. Sur ces entrefaites, la guerre ayant éclaté, il ne fut plus question ni d'un miracle ni de Sans Famille, et le manuscrit que j'avais lu à Hetzel eut même la mauvaise chance, ou la bonne, dans la bousculade des déménagements, d'être en grande partie perdu. Il ne resta d'à peu près complet que l'épisode de la mine. Quand je rentrais dans ma maison dévastée, pour réparer les pertes de la guerre, qui pour moi avaient été lourdes comme pour tant d'autres d'ailleurs, il fallut courir au plus pressé, achever un miracle, dont pas un feuillet heureusement n'avait été perdu, écrire pour le temps les souvenirs d'un blessé, et pour le siècle un mariage sous le Second Empire. Je n'avais vraiment pas le loisir de m'occuper de 100 familles, ni surtout le courage d'obliger ma mémoire à faire les recherches nécessaires pour trouver ce qui était perdu. Il y a des cas où inventer exige moins de travail que se souvenir, et où le nouveau est moins laborieux que l'ancien. C'était le mien dans cette circonstance. Mais pour ne pas m'en occuper utilement, je ne l'oubliais pas, et j'y pensais d'autant plus que mon tort allait chaque jour s'aggravant du temps écoulé. En somme, je devais un roman que je ne livrais pas et auquel je ne travaillais même pas. Hetzel me le rappelait quelquefois, mais sans autrement insister, car il comprenait mon ennui. Cependant, il arriva un moment où il se montra plus pressant. « Il faudrait pourtant vous décider à penser à moi. »« Je ne fais que ça. »« Alors pensez-y moins et faites autre chose, ma chose. » Il convenait de s'expliquer franchement ce que je fis. Ce n'est pas seulement la paresse d'un grand effort de mémoire qui me retient. C'est encore, c'est surtout, la peur du public de votre journal. En vous plaçant à son point de vue, vous m'avez fait des observations qui doivent être fondées, je n'en doute pas. Mais si j'ai maintenant à craindre des observations de ce genre, je serai paralysé, et je ne trouverai rien. J'ai dit qu'il y avait deux hommes dans Hetzel, un lettré et un éditeur. Ce fut le lettré qui me répondit. « Ne vous inquiétez pas de mon public, et n'ayez pas d'autre souci que d'écrire en toute liberté votre roman, avant tout qu'il vous satisfasse. Et votre journal? S'il ne convient pas à mon journal, vous le publierez ailleurs. Pour l'édition en volume, je ne serai pas aussi réservé. Alors je m'y mets tout de suite. » Après le lettré, l'éditeur à son tour prit la parole. « Comme le prix qu'on vous paie maintenant est supérieur à celui qui avait été fixé entre nous par notre traité, voulez-vous que nous partagions la différence qui existera entre ce que vous paiera le temps ou le siècle et ce que vous aurez payé le magasin d'éducation ?» Cette ingénieuse combinaison n'indiquait pas assurément une foi bien vive dans mon roman, mais cela importait peu, je ne voyais que ma liberté reconquise et je l'aurais payé plus cher que ça. Si j'étais heureux de me sentir libre, ce n'était pas pour en abuser. En somme, c'était un roman pour les enfants que j'écrivais. Je devais donc me tenir à leur portée tout en m'efforçant de ne pas faire hausser les épaules aux parents, comme il arrive trop souvent avec les livres de ce genre. Pour les enfants, j'avais heureusement près de moi le meilleur contrôle que je puisse souhaiter, celui de ma fille, dont l'intelligence était déjà assez ouverte, l'esprit assez éveillé pour comprendre et sentir ce que je destinais à plus grand qu'elle. Quant aux moyens de mes notes et de mes souvenirs, j'eus reconstitué en partie mon roman, plutôt comme je voulais qu'il fût maintenant que comme il avait été sous sa première forme, je l'essayais sur elle. Puis ensuite, à mesure que je finis un chapitre, je le lui lus. Un garçon m'eût sans doute fait un tas d'observations, même des objections, mais en sa qualité de petite fille, elle était plus réservée. Cependant, ce qu'elle n'osait pas exprimer en paroles, sa physionomie le disait, ses yeux, ses mains, et cela suffisait. D'ailleurs, elle répondait franchement quand je l'interrogeais. Ce fut ainsi qu'elle baptisa un chapitre resté sans titre, « Capitain en jaune ». Mais sa collaboration resta là. À cette occasion et plus tard, soit que la vocation romancière lui manquât, soit plutôt que l'exemple de son père ne fut pas pour la tenter. C'est le bon public qui s'imagine que les romans se font en jouant. Mais quand on vit dans la coulisse, on voit la peine qu'il coûte, et cela calme les vocations qui pourraient se produire. Ainsi, elle s'est montrée la petite fille de son grand-père, mon père, qui, quand il fut convaincu que rien ne m'empêcherait de suivre mon goût pour la littérature, me dit avec son expérience d'ancien notaire, « Drôle d'idée vraiment, de prendre une profession dans laquelle on n'a pas de clerc. » Quand je fus assez avancé dans mon travail pour qu'il pût être question d'en commencer la publication, j'en parlai à Hébrard, le directeur du Temps, mais en le prévenant que mon roman était d'un genre particulier. Demandez à Hetzel l'effet qu'il peut produire. Il connaît le premier volume. Je ne sais pas ce que Hetzel dit de ce premier volume, mais à ce qui était en partie connu, Hébrard préféra ce qui était tout à fait inconnu et je lui donnai Cara. Cela non plus n'était pas encourageant. Dans les termes où j'étais avec Jourde, le directeur du siècle, j'aurais pu lui porter le commencement de mon roman, et il lui envoyait à l'imprimerie sans en demander davantage, mais je voulus qu'il vît ce que je lui proposais et le forçait à lire ce qui était achevé. La réponse arriva dans les 8 jours. Dès demain, tout de suite. La publication en journal achevée, je ne devais pas m'occuper de celle du volume sous la forme illustrée ou en un in-18 ordinaire, puisqu'elles appartenaient l'une et l'autre à Hetzel. Mais alors je reçus de celui-ci la lettre suivante. 16 mars 1878. Mon cher Malo, je me suis dit que M. Dantu avait réuni chez lui toute votre œuvre. Il se pourrait qu'il vit avec des plaisirs nos deux volumes in 18 lui manquaient, et je me suis demandé s'il ne désirerait pas les avoir. Cela ne me paraissait pas impossible. En effet, cela fut possible et un arrangement fut conclu pour les volumes in 18 sur les mêmes bases que celui pour la publication en journal. C'est-à-dire que, comme pour celle-ci, j'abandonnais à Hetzel la moitié de la différence existant entre le prix payé par Dantu et celui que j'aurais reçu de la librairie Hetzel. Et cette moitié, en plus de celle fournie par la publication du siècle, je l'ai abandonnée pendant 6 ans, ce qui, avec le succès de vente de mon roman, a fini par faire une jolie somme qui s'est ajoutée à celle produite par le volume illustré. Je viens de parler d'un succès de vente. Pour être vrai, je dois dire que cette vente commença très modestement, sans que rien fît pressentir l'essor qu'elle allait prendre. En 6 mois, on avait écoulé 6 éditions, et je ne croyais pas moi-même que le livre dût aller bien loin, quand tout à coup se produisit un envolement qui m'étonna. Le 10 juin 1879, on fait un 7e tirage, le 5 juillet un 8e, le 10 juillet un 9e, le 15 juillet un 10e, le 14 août un 11e, le 5 septembre un 12e, le 20 septembre un 13e, le 4 octobre un 14e, le 3 novembre un 15e, le 25 novembre un 16e, le 5 décembre un 17e, et ainsi de suite à peu près régulièrement. Que s'était-il donc passé? Ni moi ni l'éditeur n'avions fait battre le tam-tam des articles de première page, et quant aux articles spontanés dus au hasard de la sympathie, ils n'étaient en rien sortis de l'ordinaire. Cependant, il était arrivé que pendant cette période d'attente, où le livre ne marchait qu'avec lenteur, le public avait fait lui-même œuvre de critique. Ceux qui avaient lu avaient dit aux autres « Lisez !» et tout le monde avait voulu lire, ajoutant bien plus foi aux recommandations spontanées qui s'échangeaient ainsi qu'aux articles de journaux pour lesquels on se tient sur la défensive chaque jour davantage à mesure que se fait l'éducation du public. C'est là un fait curieux qui, me semble-t-il, peut être noté, quand ce ne serait que pour répondre à une question qui m'a été quelquefois posée, qui a fait le succès de Sans Famille. On le voit, c'est le public, et bien qu'il arrive assez souvent dans notre monde qu'on le trouve idiot, ce public, on doit comprendre que là-dessus, je ne sois pas avec les dédaigneux, le renard de la fable m'ayant toujours paru plus ridicule que touchant dans son envie. Ce n'était pas seulement en France qu'on s'était dit « lisez », c'était aussi à l'étranger, particulièrement en Angleterre, où le livre est devenu de lecture courante pour l'étude de la langue française, si bien qu'une bonne partie des tirages qui se continuent tous les ans vont faire concurrence dans ce pays aux éditions en extrait, Capi et sa troupe, Sous terre, plus tard complété par d'autres extraits de Romain Calbrice, Sur mer et Dans famille, L'île déserte, que la maison Hachette de Londres publie depuis bientôt 10 ans sans que leur nombre faiblisse. Je voudrais bien qu'on m'en fît l'honneur de ne pas croire que c'est uniquement par vanité d'auteur que j'entre dans ces petits détails, et que sans hausser les épaules, on voulut aussi me permettre d'expliquer les raisons pour lesquelles ils ont eu, à mon point de vue, de l'importance. Raison de gloriole? Non. Raison de conscience? Oui. Il faudrait n'avoir jamais vécu une heure de la vie littéraire pour ne pas savoir quelle place y tiennent les questions de style, et ne pas savoir aussi que pour un écrivain, il n'y a pas d'écrivain qui écrive bien, avec cela de particulier que ce sont ceux qui ont le plus laborieusement recherché l'écriture artiste, au point de lui tout sacrifier quelquefois, qui sont le plus contestés. S'il est difficile de s'entendre sur le style, il ne l'est pas moins de se mettre d'accord sur le point de savoir comment on doit comprendre le roman. Puisque chacun écrit son roman avec son tempérament, son caractère, ses idées, son goût, son éducation, son milieu, et aussi d'après le but qu'il poursuit. Autant de romanciers, autant de manières, heureusement pour l'agrément du public, qui trouve ainsi dans ses lectures une diversité que des règles fermes supprimeraient entièrement. C'est cette fantaisie, cette absence de loi codifiée qui fait son charme et sa force, en lui livrant un domaine immense, puisqu'en dehors de quelques coins réservés dans d'étroites petites chapelles qui n'admettent que ce qui se pratique chez elles, tout lui est permis, mais en même temps elles font aussi sa faiblesse, par cela seul qu'elles le soumettent à l'influence de la mode. Comment le romancier se défendrait-il contre cette influence, puisque c'est elle qui donne la vogue et les grands succès, bien qu'il sache que plus il sera à la mode du jour, plus il aura de chances de ne pas être à celle de demain. Que de romans parmi les plus fameux ont subi cette loi fatale. Où est la nouvelle Héloïse? Où sont les martyrs? Pour ne prendre que parmi ceux qui ont été la marque d'une époque, démodés jusqu'à n'être maintenant que des caricatures qui font sourire comme de vieilles gravures de mode, alors que de pauvres petits romans sans grande visée, dont le soleil de la gloire n'a pas doré l'aurore, et qui les honneurs n'ont point fait cortège, sont restés vivants, saisissant pour nous, quand ils étaient si peu de choses pour leurs contemporains. Manon Lescaut a de citer que celui-là, que nous lisons avec charme, comme le liront ceux qui viendront après nous. Quand on considère cette fortune des romans, il est bien naturel, si l'on est romancier soi-même, de s'inquiéter de ce qu'on a fait, en se demandant ce que valent les jugements, favorables ou non, de ceux parmi lesquels on vit, et si, en étant de son époque, on n'en a pas été trop. Pour moi, les indications qui me sont venues de l'Angleterre, c'est-à-dire d'un pays dégagé de nos préjugés, de nos modes, de nos querelles d'école, ont répondu à ces demandes. Et quand j'ai vu que dans ce pays si fermé à tout ce qui n'est pas anglais, on faisait largement à mes petits livres le grand honneur de les prendre pour servir à l'étude de notre langue, j'avoue que j'en étais fier. Comme je l'étais aussi quand j'ai lu dans le Times, le 18 janvier 1893, que lui non plus n'est pas très tendre pour ce qui vient de France. Mr. Hector Mallow is an exception, and in consequence he has reaped almost more laurels in the country than in his own. C'est-à-dire que j'avais recueilli presque plus de lauriers en Angleterre qu'en France. Ne serait-ce pas la preuve que j'ai eu raison de me tenir scrupuleusement dans la tradition française, avec la sobriété, la sincérité, la clarté comme direction et aussi l'horreur de la rhétorique, ce qui a une bien autre importance que tous les succès de vente. Pas grand-chose peut-être, ces petits livres, mais quelque chose tout de même, puisqu'à l'étranger on leur fait l'honneur d'y chercher un peu de la France. Peu s'en est fallu que cette épreuve ne fût répétée, et elle eût été dans les meilleures conditions si nos droits de propriété étaient défendus par nos diplomates. Voici comment elle a échoué. Un éditeur de Berlin mis au courant, les Allemands sont toujours informés de ce qui peut être bon pour leur commerce, du succès de vente que la maison Hachette avait obtenu en Angleterre pour mes petits livres, voulut essayer de ses éditions dans son pays et me fit des propositions à ce sujet. Bien que nous fussions d'accord, elles n'allèrent pas loin, car au lieu du traité à signer que j'attendais, il m'envoya un sans famille, le mien, bien entendu, publié à Dresde, en français, en 2 volumes. À la vérité, il en manquait un certain nombre de pages qui avaient été analysées et non reproduites, et de plus ces volumes, appauvris d'un côté, avaient été enrichis d'un petit glossaire allemand encarté dans la couverture, où l'on pouvait le laisser, mais d'où l'on pouvait aussi l'enlever et s'en débarrasser quand on savait assez le français pour le lire sans dictionnaire. Comment lutter avec des extraits contre un roman que le public peut croire complet, me demandait-il. En obtenant la suppression de ce roman défiguré, édité en violation des droits, répondis-je. C'est que précisément je ne crois pas que vous puissiez obtenir cette suppression, me dit-il, attendu qu'au terme des conventions littéraires qui lient l'Allemagne avec la France, les éditeurs ont le droit de publier en extrait, dans le texte original, tous les livres utiles à l'enseignement, à la seule condition d'y joindre un glossaire qui donne à leur édition le caractère de livre d'éducation. Le vôtre est publié en extrait, puisqu'on en a coupé des pages, on y a joint un glossaire, donc c'est un livre d'enseignement, et vous n'avez rien à réclamer. De plus, nous n'avons rien à faire ensemble puisque je trouverai dans cette édition, pour laquelle il n'a pas été payé de droit d'auteur, une concurrence désastreuse. Je m'informais. Les objections de l'éditeur de Berlin étaient probablement fondées, attendu que, comme les conventions internationales sont faites par des diplomates, sans l'adjonction des gens du métier, on s'en tient à des déclarations banales à travers lesquelles les contrefacteurs manœuvrent aussi librement que s'il n'y avait pas de convention. Je me plaignis cependant. Pour le principe et la question, prise en main par le cercle de la librairie, fut portée à notre ministère des Affaires étrangères pour qu'on avisât. A-t-on fait quelque chose pour corriger cette bizarre disposition qui rend légale de pareilles combinaisons? Je n'en sais rien, mais à vrai dire je doute que la commission internationale qui vient de se réunir pour la révision de la Convention de Berne ait pris la défense des écrivains sur ce point. Pas de gens du métier dans cette commission où leurs observations pratiques sur des sujets connus d'eux eussent été gênantes, des fonctionnaires. En tout cas, cette industrie de la contrefaçon continue en Allemagne avec la complicité de la loi, et j'apprends à l'instant que la librairie Kuhlmann publie en français une édition d'En famille d'après le procédé employé par elle pour 100 familles. Il faut croire qu'il est bon pour les éditeurs allemands.